petit jour se lève et tu dois me quitter. Il est fini mon rêve, il faut te dépêcher. Tu vas t'éloigner de moi, car tu vas rentrer chez toi. Choisis.